à la nue. À la nue, accablante tu, basse de basalte et de lave, à même les échos esclaves, par une trompe sans vertu. Quel sépulcral naufrage, tu le sais, écume, mais y bave. Suprême une, entre les épaves, abolie le mât dévêtu. Ou cela, que furibond, faute de quelque perdition haute, tout l'abîme vint éployer, dans le si blanc cheveu qui traîne, avarement aura noyé le flanc enfant d'une sirène.